Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et je pense que l'une des pires tragédies dans cette sombre vie qui est celle que nous vivons est le fait qu'il n'y a aucun épisode de Karaoclip qui est disponible nulle part sur les internets. Pouvez-vous croire? Calice, que ça va mal. Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess et je ne peux être mis en présence de policiers car, comme dit le dicton, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Oh my God! Merci, aujourd'hui on n'est pas tout seul. Hello tout le monde. On est avec Hugues Lefebvre-Morras. Bonjour. Allô. Comment ça va? Ben ça va mal. Tant mieux, vous autres aussi ça va très mal. Génial. Plus capable. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous parle de notre rituel homosexuel le plus ancestral, le cruising, ces lieux publics où les mounes vont se rencontrer. Et tout ça avec Hugues? Oui. Toi, Hugues, pourquoi on t'a invité aujourd'hui pour parler de ça? Je suis en train de faire un mémoire de maîtrise sur la question. J'étudie à l'UQAM en design de l'environnement. Okay. Puis je m'intéresse au cruising en contexte de ville régionale à l'extérieur de Montréal, dans des villes où il n'y a pas de bar ou de lieu de représentation identitaire gay. Fait que je me dis, peut-être que l'espace de cruising est plus important qu'on le pense. Oh my God, girl, let's find out. Yes. Donc aujourd'hui, c'est cruising time à Deux Fifs le matin. On va parler de cruising spot. De qu'est-ce que c'est ça, d'où est-ce que ça vient, mais surtout, les questions les plus importantes sont où les spots, puis comment est-ce qu'on y va. Fait que on va faire un hold-up dans un petit café indépendant, ben, troisième vague, pour se faire notre cortado nous-mêmes, exactement comme on le veut, puis on vous revient, on veut caféiné. Ou pas, à tantôt. Fait qu'on revient de Break-In, la graine brûlée, et on s'est pris une coupe de petites cartes avec des quotes cute en même temps. Fait que maintenant qu'on est caféiné, on va commencer avec une question ben simple. Coupable ou non coupable de cruising? Ouh. Et quels sont vos lieux de prédilection? J'écoute vos confidences. Coupable. Moi, je vais plaider non coupable, monsieur le juge. Non, mais c'est parce que je pense que les techniques utilisées par le constable Alexandre Clément, matricule 11721, rendent mon arrestation non recevable pour profilage homophobe et entrapment. Oh my God, girl, she's clever. She has a defense. She has an alibi. OK, fait que t'es non coupable for real. mais tout de même, mes lieux de prédilection sont... étant un petit gars de l'Est qui voyage beaucoup entre l'UQAM et Hochelaga, mettons que quand je m'enfarge pas dans le corps de porte de l'Aigle Noir, ça se peut que je m'enfarge dans la traque de chemin de fer au coin du viaduc Bercy et Sainte-Catherine. J'avoue que moi aussi, pour vrai, les espaces qui sont plus extérieurs, c'est-à-dire que je trouve que les gens qui sont là sont plus purposely pour... pour ça. Oui. Tandis que, mettons, genre, tu sais, je sais pas, là, une toilette cruisy, c'est le fun, mais il faut qu'elle soit assez isolée pour que t'aies le temps de faire des affaires avant que quelqu'un rentre, que tout le monde retourne en position de non, je faisais pipi. Parce qu'à un moment donné, moi, le style game, puis là, quand quelqu'un rentre puis se met à chier puis que t'entends juste quelqu'un chier vraiment fort, pour moi, ça tue la magie. Moi, c'est vrai? Un peu turn off. Ben, je sais pas. Là, tu sais, puis là, tu sais pas, moi, ça peut me prendre du temps, là, des fois, à finir la business, là. Fait que, tu sais, Le petit jeu de pied à comprendre si la personne veut vraiment, là, il faut des codes clairs, mettons. C'est plus d'efforts, c'est plus de temps à investir, tandis que, tu sais, un terrain vague à côté d'une traque de chemin de fer, tu sais ce que les gens sont venus exactement faire. Exactement, puis le monde a son temps, il n'y a pas personne qui va venir t'achaler là. C'est ça. Moi, si je peux me permettre... Si oui, ça va être pour participer. c'est ça, venez m'achaler dans ce cas-là. Là. Mais moi, je dirais que mes lieux de prédilection, vraiment, c'est quand il y a un espace pour chiller, genre une plage, genre une rivière, c'est ça, du fait du social. Moi, j'allais dire le petit bois des chutes gay. Le petit bois des chutes gay le petit bois de Oka, même s'il y a ben du Garda là, qui circule. Tu vois, à Oka. Puis il y a de la mouche. À un moment donné, j'ai compté. Là, pour vrai, pour sucer deux graines, je pense que j'ai eu au-dessus de 50 piqûres. Là. OK. Rendu là, il y avait vraiment plus de risques de transmission de quelque chose avec les moustiques qu'avec les graines. Oui, là, Mais. Le virus du Nil est une maladie transmise sexuellement. Mais quand même, je trouve que ce qui est le fun, c'est que tu t'es pas juste là pour aller sucer de la graine, t'es là pour chiller avec tes amis. Puis si à un moment donné, tu fais le cochon, tu fais juste te déplacer tranquillement vers les bois quand personne ne regarde. T'sais. Ben oui, parce que je pense que c'est une fausse préconception qu'on a de penser que le cruising spot est juste un lieu de perversion. Là. C'est un lieu, c'est un espace queer qui est d'abord et avant tout social. Ben sais. Oui! C'est ça. Je veux dire, à une certaine époque, on peut se dire que les gens allaient là aussi pour juste rencontrer du monde commun. Là, Oui, c'était pas nécessairement dans un but sexuel. Non, exactement. Bon, on s'entend très bien que tout ce qu'on fait finit par du sexe. Là, des tapettes, c'est le même, ça oui, marche. Oui, mais peu là. Importe, on est où rendu là. Netflix and chill. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais ce qui m'amène, hein, fait que là, back in the days, OK, on y allait aussi pour comme une espèce de genre être social puis rencontrer du monde. C'est correct, comme, je le dirais pas, c'est comme mon spot préféré, c'est beau. Oh, oh my god, Jess, OK, vas-y, là. Ben moi, c'est la traque aussi. Mais c'est ça! Tu l'avais dit, est-ce que toi aussi? En tout cas. Ben oui, back in the days, tu disais. Ben, ce qui m'amène à, dans le fond, d'où ça vient le fait que les tapettes s'improvisent des backrooms un peu partout? Parce que c'est un peu ça, le cruising. Oui, oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'on peut considérer que les backrooms puis les saunas sont quand même des espaces de cruising. Parce oui. qu'on peut se dire que, dans le fond, le cruising, ça reste la définition simple de ce que c'est séduire quelqu'un. Oui. Sauf que là, on parle pas d'inviter la petite Kéliane en secondaire 3 à aller voir Step Up pour que ta mère arrête de se faire des idées. Là. Ah! C'est un cruising. Ah! Aller voir Step Up! C'est un cruising avec un but précis. Puis c'est ça, ben, on le disait. Ouais. Dans le fond, les saunas, c'est genre une privatisation. Privatisation, commercialisation. On a déjà. Oui, non, tout à fait. Mais il y a quand même des équipements et des services qui sont disponibles. Oui, non, oui, oui, c'est mieux aménagé. Là. Voilà. Ouais, plus confortable pour les genoux que des roches, puis du sable, puis de la branchaille. T'as-tu vu le matelas mousse que quelqu'un a crissé pas loin de la traque, genre à côté de la clôture? Moi, j'étais comme, some bitches love comfort. Il y en a qui viennent préparer. Ouais, une taureau qui traîne pas loin de là, c'est sûr. Moi, là, c'est pour se traîner des matelas. Là. Mais c'est ça, ben on, pour revenir à c'est ça, pourquoi on s'improvise des backrooms, ben on remarque qu'à Montréal, c'est listé que la première fois qu'on a vu du cruising et que ça a été bon, que la police est intervenue, ça remonte quand même en 1886 sur les Champs de Mars. Mais on peut c'est ça se douter qu'à ah oui que... c'est vrai, en arrière des Champs de Mars, ouais, ouais, on en a déjà parlé. Dans le temps qu'il y avait des arbres, là, c'était pas juste du gazon comme maintenant là. Oui, il y avait un peu plus de privacité. Comment t'as dit 1886? Oh my god. Ouais, puis on peut même s'imaginer qu'il y en avait avant. Mais hey, là, Mado, la mode n'est juste de commencer. Ah! Mais c'est ça, mais c'est juste qu'on peut se dire que l'anonymat et ouais. Le désir de sortir de l'espace domestique était nécessaire en période de stigma, ouais. d'homophobie, tout ça. Là. Fait que c'est de pouvoir se retrouver à un endroit où ce qu'on sait qu'on va trouver, en fait. Oui. Qu'on va là pour une raison claire et qu'il y a une espèce de non-dit. Et une fois que c'est franchi, le seuil qui sépare l'espace public général de l'espace de cruising, ben, go for it, girl. Puis là, dans nos espaces qu'on préfère, on a nommé des terrains vagues. On ouais. a nommé aussi des... Ben, pas dans les espaces qu'on préfère, parce qu'on a quand même bitché les toilettes, mais tu sais, reste qu'on y est allé, on a testé. Oui, oui, on a checké la toilette. On a nommé aussi plus des terrains boisés à côté d'espaces de plein air, genre une plage, une rivière, des affaires de même. Quels autres endroits on a oubliés? Oh my, hein? Ben, je pense que quand il y a des endroits où on est appelé un peu à se dénuder, t'sais, les vestiaires, t'sais, le fameux YMCA. Oh, oh, ah, oh, ah, les c'est vestiaires! Vrai. Ouais, c'est ouais. vrai! C'est vrai! Ouais, ouais, où est-ce qu'il y a une espèce de promiscuité préétablie là, de se dire que... C'est ouais, ça, ouais. on voit de la graine dans une douche, puis là, ça nous accepte. Ouais, moi, je dis même plus je vais au gym, je dis je vais au vestiaire. J'en fais pas de sport. Non, mais il y a aussi un truc où, genre, en tout cas, quand tu sais, je trouve que les vestiaires, c'est intéressant parce que souvent, quand tu parles de justement cruiser dans des vestiaires, les gens sont comme, mais là, il y a des hétéros. Puis là, il y a comme un truc de comme, oui, oui, ils sont oui. là. Tu sais, comme, il y a un truc de, on se reconnaît entre nous. C'est pas oui. parce que vous, avez pas de gaydar que nous autres, on en a pas, là. Voilà. Puis surtout, de toute manière, moi, juste à regarder les bobettes de quelqu'un, je sais son orientation sexuelle. Ah ouais? Mais oui, tout est j'avoue. Toutes les tapettes ont des bobettes qui ont de l'allure, puis des oui. gars straight. Là, moi, des boxeurs qui vont jusqu'à mi-cuisse, je m'excuse, non, girl, ça, là, mais tu mérites mieux que ça. Là, tu mérites mieux que ça. Non, là. Non, je sais. Quand t'as ton porte-jartel au vestiaire, là, t'es clairement straight. C'est ça. Oui. C'est ça. Définitivement. Mais c'est ça, je trouve qu'on weaponise aussi beaucoup le confort des hommes straight pour genre ouais, shut down ben oui. ce qui se passe. Ça serait drôle plate de les mettre mal à l'aise. Eh mon Dieu. Mais tu sais, en tout cas, il y a aussi un truc de comme si, genre, en tout cas, le potentiel d'activité non consensuelle vers des hommes straight était comme too much. Puis là, t'es dans un truc de comme, ben, vous comprenez qu'il y a du consentement tout au long. Oui. Ben oui, ben oui. Activement, tu sais, puis les gens vont pas juste reach for a dick, là, tu sais. Non, non, non, vraiment pas. Mais toi, Hugues, tu disais que. L'objet de ta recherche était surtout focusé sur en région? Oui, ouais, exactement. Où est-ce qu'ils vont en région? Où est-ce qu'ils vont en région? Maintenant, je suis à Chicoutimi à Noël. Là. Qu'est-ce que je fais là? Ben écoute, j'ai eu du financement du gouvernement fédéral pour aller me promener en jockstrap dans les boisés pervers de la région. Fait que je vais tout pouvoir vous dire ça. Enfin, l'État a une fonction intéressante. Yes, voilà! She's living the dream. Mais je pense que de ce que j'ai remarqué à date, c'est beaucoup ces espaces-là extérieurs. Qui sont à la limite du no man's land, mais quand même, c'est ça, boisé, qui offre une certaine intimité. Chicoutimi est un milieu de recherche, c'est un petit boisé, un parc sur une montagne, où ce que, bien sûr, dans le but d'éradiquer ça un peu, il va y avoir un parc pour enfants qui va être construit. Oh. Ils savent que les enfants font fuir les homosexuels. My God. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup cette tension-là aussi de comme, dans des espaces où il y a des enfants, là, tu peux pas, puis t'es comme, il y a un partage des espaces aussi, puis des espaces. C'est pas parce qu'il y a un module de jouets qu'on va aller là, on va aller dans le bois. En tout cas, pas compris, à midi et demi. C'est ça. Mais ouais, je dirais que ben moi, j'ai visité d'autres chutes que les fameuses chutes Sainte-Marguerite. Oh my God! Ouais. Il y en a d'autres chutes. OK. Mais ouais, fait que je dirais que c'est à peu près les mêmes espaces qu'à Montréal, mais c'est juste peut-être au niveau du nombre, de la proximité, de la multiplication. Selon moi, chaque ville qui se respecte au Québec a son espace de cruising parce que quand tu as un bassin de population suffisant, ben les tapettes ont besoin d'un endroit où aller. Puis s'il n'y a pas de bar, ben, where did they go? Ouais. Moi, je pense que pour financer ce podcast-là, on a besoin de louer un autobus, vendre des tickets, puis faire une tournée. Ah oui! Tournée les cruising spots! Yes! Ça serait malade. On débarque en gang, on s'annonce sur squirt.org, ouais. On rallie tout le monde de la ville. Oh my God! On va pouvoir inaugurer des endroits en particulier, là. On va pouvoir couper le cordon. Là. Ah oui! En créer des nouveaux, on défriche. Oui. On défriche. Non, faut garder du bois. Faut garder du bois. Non, quand même. Tu fais pas ça en plein champ quand les foins ont été faits la veille. Là. C'est vrai. C'est pas une bonne idée. C'est vrai. Sauf si t'es exhibe, là, regarde, là, tu te gâtes, là, mais. Il y a aussi des parkings qu'on a oubliés. C'est vrai. Ah, ouais. Dans un char, c'est vrai. Tu fais juste attendre dans ton char, puis là, mané, tu regardes par la vitre, l'autre personne, t'espère qu'il n'y a pas des vitres teintées. Pour voir un petit peu quand même. Puis, oui. Est-ce que ça fait pas mal le tour de ce qui existe possiblement comme cruising spot? Vite de même, toilettes, vestiaires, lieux boisés. Ouais, les institutions, là, comme le bar, le backroom de bar. Ouais, le backroom de bar, le sauna. Oui, ouais, effectivement. Vous savez comment je suis un fan de consommer sur place. Oui, on en a parlé longuement. Fait que, en tout cas, en attendant que Justin Trudeau vienne inaugurer notre nouveau cruising spot et couper le ruban, nous autres, on va aller attendre les 12 coups de minuit pour break-in dans un Starbucks puis se voler une poche de Dark Rose parce qu'on est fait de même puis on vous revient dans à peu près 30 secondes. Ciao, Pablo, la gang! Et on est revenu du Starbucks qui finalement était 24 heures. On n'a pas pu break in, mais heureusement, j'ai su cacher la poche de Dark Roast. Puis on l'a volé. Puis on l'a volé. Puis on l'a volé. Puis on l'a tout bu. Puis on est ici, over caféiné. Alors, là, la question, c'est un cruising spot, là. Ça marche comment? Y a-tu quelqu'un à l'entrée qui t'étampe le poignet? Tu payes-tu un cover? Y a-tu un vestiaire? Non, je penserais vraiment pas, mais. C'est quoi l'étiquette? Toi, Hugues, tu penses que tu dirais? Ben, je pense que la règle numéro un, comme dans toute relation sexuelle, qu'elle soit chez vous ou dans l'espace public, ben, c'est quand même le consentement. Mais on s'entend que déjà de franchir un certain seuil, de se retrouver dans un espace, il y a déjà... tout le monde est là pour la même raison. Mais c'est quand même pas une raison pour aller se mettre la face directement dans l'entrejambe de quelqu'un. Non. Fait qu'il y a toute cette espèce de code où, ben, si c'est dehors, puis il fait noir, puis c'est passé minuit, on parle pas vraiment très fort, fait qu'on y va juste plus avec les yeux, une petite main qui passe, voir si on est intéressé. Oui, c'est ça. C'est souvent un petit toucher discret. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un comme, tu sais, tasser une main, c'est un message clair. Oui. Ouais. Puis il faudrait le respecter, ça. Guys. Mais c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, des regards soutenus, je dirige ma main vers mon paquet. Tu sais, des choses qui mentent pas, là, tu sais. Toujours commencer sur soi, hein, avant de commencer sur l'autre. C'est ça. Mais ça c'est bon généralement point. Un excellent indicateur. Ouais. Sinon, tu sais, juste donner des gros signes que t'es là pour ça. Tu sais, mettons, avoir un jockstrap, généralement, tu sais. Ça donne une bonne idée. T'es pas là innocemment avec un jockstrap, tu sais. Oui. Mais. Quand j'étais en mode voyage, débarque en soute de skidoo, pas personne qui est machalé, je peux juste regarder. Mais il y a aussi le truc c'est de comme. C'est chaud en juillet, par exemple. Quand c'est une toilette publique, puis que t'es entre deux, je sais pas, là, t'es entre deux cours à l'UQAM, puis tu vas à la toilette. Laquelle? Oh my god, I wouldn't know. Je le saurais pas, moi. Mais, tu sais, il y a un truc aussi où ça va beaucoup se passer dans les regards, puis il faut que, comme. Tu check autour, mais aussi, comme si les gens ne checkent pas, mais il faut que tu arrêtes de checker parce que maintenant, ça va bien. Ouais, c'est ça. Décroche. Mais les gens sont un peu cloulesses, puis ils sont souvent choqués par la mention des cruising spots parce qu'ils sont dans un truc de comme, mais là, si tu sais, comme, puis encore une fois, dans l'espèce de panique de ça pourrait mettre des ouais, mal à l'aise. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ouais. Mais excuse si t'es mal à l'aise, mais on existe, puis comme, on prend quand même des précautions. Là, on fait pas ça à midi, en plein milieu du parc La Fontaine. Non, non. Il y a comme. Un respect des usages au niveau de la temporalité, tu sais. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Il y a comme un horaire puis un endroit. Puis justement, ça m'amène à me poser cette question-là. Est-ce que c'est dangereux pour nous ou encore pour les autres? Bon. Est-ce que c'est dangereux pour nous et pour les autres? Ouais. Pour les autres, on l'a déjà dit que moyen. Ouais, c'est ça. Pour nous, ben c'est sûr que tu sais, il y a de la répression policière. Uh-huh. C'est assez actif. On n'est plus dans une époque de grandes rafles. Ben je dis ça, c'est encore drôle. À Toronto, il y a eu le fameux Project Mary au parc Mary Curtis il y a 2 ans. Mais bon, la communauté s'est levée, puis les policiers ont pris leur trou. À peu près. Mais à Montréal et dans les environs, c'est plus pernicieux. On parle de policiers undercover. Puis c'est comme s'il y en a toujours un petit peu des arrestations d'étiquettes. Fait qu'il faut faire attention, guys. Justement, quand je disais commencer par soi, c'est comme les signes. Mettez pas la main tout de suite sur le crush de quelqu'un. Si c'est un policier undercover, vous allez savoir en esti. Ouais. fait que ouais, c'est ça. Puis de la manière qu'ils vont fonctionner. Tu sais, ça va être. On parle d'accusations criminelles, d'indécence, ou sinon des trucs plus règlements municipaux, du genre être sorti du sentier, mais on s'entend que. Ouais, avoir été dans un parc après 11 heures. Ouais, c'est ça, des petits règlements qui utilisent contre nous ou contre des itinérants. Petits règlements, c'est ça que j'allais dire, c'est exactement ça que j'allais dire. Tous ces petits règlements-là qui servent à faire du profilage au quotidien pour avoir au moins une bonne raison d'arrêter les gens qu'on veut arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que gardez l'œil ouvert quand même, je pense que c'est le conseil numéro un. Est-ce qu'il y a, mon Dieu, je me dis, parce que tu sais, les policiers qui se présentent sur ces lieux-là n'arrivent pas en full regalia dans leur uniforme du SPVM. Il y a des traps, il y a des pièges. Oui, c'est ça. Ils sont tendus. Est-ce qu'il y a une manière d'éviter ça? On a dit commencer sur soi, mais est-ce que les policiers ou policières... Ben, est-ce que les policiers vont... aller loin dans leur tentative d'appât? Moi, déjà, je trouve que les policiers undercover ont toutes l'air de la même astuce d'affaires. Tu le sais, dans une manif, quand il y a un policier undercover, tout le temps, le gars avec la casquette noire, les lunettes de soleil, les bras croisés. En tout cas, moi, j'ai l'impression que le moindre moment que tu as été à 2-3 manifs, tu peux les spotter. Mais oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a l'air de, genre, hétéro de manière un peu louche puis qui comprend pas les codes de la place, mais qui a l'air d'être là pour ça. Ça peut être un undercover. En même temps, capotez pas non plus. Non, si ça tombe sur vous, il y a aussi des solutions dont on vous parlera plus tard. Non, c'est ça. Quand il y a 2 digues de sortie puis qu'il y en a un à genoux, je pense que c'est correct. Oui, c'est ça. Généralement, c'est signe que tout va bon train, tout va pour le mieux. Ouais. C'est des signes qui mentent pas. Puis là, je pense que ça nous amène à l'exemple le plus connu de répression dans les cruising spots qui serait Joël Legendre. Ben oui. Oh my God. Joël Legendre, notre Saint Patron, notre Aladdin national, Saint Joël, qui est débarqué de son tapis pour aller au parc Marie Victorin. C'était quoi, 3-4 ans, 2 ans? En 2015. 4 ans quand même. Ça avait fait grand cas et encore une fois, il y avait. Puis lui, justement, s'est fait pogner par un policier undercover. C'est exactement c'était sale, là, c'était rat. Là. Puis je pense qu'il y a aussi un truc de comme, en termes d'enquête journalistique, le journaliste qui a, genre, révélé ça au grand jour, quelles intentions pouvait-il avoir? Oui. Moi, il y a aussi ce truc-là de comme, tu peux pas juste faire comme le public avait le droit de savoir. Là, on entend que c'est rien passé. C'était comme un an après l'événement, là. En oui, plus. Oui. Puis aussi, c'était. Il s'est fait tendre un piège. Mm-hmm. C'était pas. C'est-à-dire que, en tout cas, les gens qui sont comme là au parc Marie-Victorin, il y a des enfants, mais oui, je veux dire, il y a des enfants qui passent sur Sainte-Catherine aussi devant le GI, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va, les enfants sont là, puis ils existent, on peut ouvrir des. Ça s'est jamais fait à une heure où les enfants sont en train de jouer dans le parc, là. Exactement. Mais je pense que tu peux pas faire ça, puis pas avoir comme des. genre homophobic undertone. Là. Non, c'est pas vrai. Non, ben non, ça a été traité sur le point de vue de la déviance, sur le point de vue de... Mais attends, en entrevue à Penelope McQuaid, là, brailler, là, puis faire appel à la santé mentale, puis qui est allé consulter, puis dans un gros truc de se repentir. Mais il n'y avait pas le choix. Oui, oui, non, mais je le blâme pas lui. Là. Je pense qu'il y avait tellement de pression. Puis hey. À toi tout seul, défendre cette pratique-là, cette pratique ancestrale, qui est aussi comme méconnue du monde straight, parce que c'est pour ça qu'elle, c'est comme ça qu'elle arrive à survivre aussi. Oui, on peut pas tomber sur Éric Duhem, mais si on aurait pu l'aimer pour au moins une affaire. Oh my God! Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'était difficile à regarder, en fait, la manière dont il y avait à se défendre en se conformant à l'idée de, ben oui, c'est déviant, ben oui, genre, j'ai ouais, un problème. Il y a comme des drôles de liens qui sont faits, justement, avec l'exhibitionnisme, puis quand c'est proche de trucs pour en faire. La pédophilie qui est comme historiquement qui a été utilisée contre les gays là. Oui, c'est vraiment lourd là, de comme faire des amalgames comme ça alors que c'est quelqu'un qui est avec son statut de célébrité on peut comprendre qu'il veut peut-être pas aller s'installer dans le sling au G.I. Joe puis tout le monde fait God fait que tu sais c'est exactement ça que j'allais dire tu sais lui se faire sucer par un gars marié que lui non plus veut vraiment pas que ça se sache tout le monde est gagnant là. C'est pour ça qu'on a besoin quand même d'espace comme ça là où ce que c'est possible de rester vraiment anonyme, là, certaines personnes en ont besoin. Puis en plus, si je ne m'abuse, Joël Legendre est en couple. Je sais pas s'il était ou l'était encore à ce moment. Je suis pas assez l'éco-vedette pour savoir ça, je m'excuse. Mais mettons, il y a un enfant, c'est ça, on le sait. C'est ça, fait que là, tu sais, c'est ça. Oh, oui, les larmes, mon enfant et tout. Mais je comprends en même temps avec ce qui sort puis comment c'est traité dans les médias, je comprends que tu penses à qu'est-ce que mon enfant va penser. Mais oui. Moi, je pense pas que ultimement, c'est qu'est-ce que mon enfant va penser que je vais me crosser d'un bois. Il est capable d'expliquer. Si vous l'aviez pas mis en pleine page dans tous les journaux, mon enfant n'aurait pas besoin d'y penser. J'aurais pas besoin d'y penser, puis j'aurais pas besoin de l'expliquer. D'abord, mais et avant que tout. Aussi, il y a des manières. Tu sais, je veux dire, on explique la sexualité aux enfants, c'est correct aussi d'expliquer aux enfants que la sexualité, c'est pas juste dans le lit, parce que c'est vrai au final. Ben oui. Mais non, mais c'est donc bien cute pour les straight de baiser dans les buissons en plus, tu sais. Oui, c'est ça. Tu lis un comic strip à la fin de ton journal, puis c'est comme, oh mon dieu, il y a un buisson qui bouge dans un parc, c'est bien cute, c'est bien drôle, puis c'est bucket list pour tous les ados, mais comme. C'est ça, des ados qui font du touche-pipi dans un parc, c'est comme, oh, ils peuvent pas faire ça à la maison, c'est donc bien cute, tandis que des homosexuels, c'est genre des déviants. Ah oui, c'est la pire affaire au monde. Puis il y avait encore cette pression-là sur les gays, whatever, qui font s'ils ont des enfants. C'est les mauvais parents. Ouais. Ah oui, automatiquement. Automatiquement. Il peut avoir de la sexualité, voyons. Non, non, c'est ça. Fait que cette double pression-là. Puis il y a aussi le standard monogame qui est rentré en ligne de compte. Je sais pas s'il était en couple, mais en tout cas, ça donnait l'impression que tout sexe qui n'est pas fait à l'intérieur d'une chambre, c'est pas bon. Je pense qu'à l'émission, vous avez répété 2 millions de fois que c'était pas. Non, mais attends, quand genre les dénonciations contre Éric Salvay sont sorties, les gens amalgamaient Éric Salvay puis Joël Legendre comme t'as fait problématique. Puis t'es juste comme, wait. Un prédateur sexuel. Genre, Joël Legendre s'est fait tendre un piège par un policier. Oui, un endroit où le consentement se pratiquait, ce qui est loin d'être le cas d'Éric Salvaille. C'est ça, là, c'est super hardcore. Il y a un monde qui sépare les deux sujets, parce que c'est ça, Éric Salvaille, on parle quand même de viol et de prédation sexuelle. Ouais, c'est ça. Et d'harcèlement sexuel. Oui, c'est ça, harcèlement sexuel au travail, là, c'est genre fucked up. Non. On a besoin d'un cours de sex-ed dans les écoles secondaires, mes amis. Oui, les cruising spots, c'est pas quelque chose qui s'improvise, genre, hey, on se rejoint à midi au coin de telle rue, puis on se trouve un spot. C'est des spots qui sont connus, puis on sait qu'ils sont généralement, c'est que généralement. Ouais. Il y a des exemples contraires. Ben, c'est que pour les autres, c'est que pour nous. Tant que la police est là, c'est ça. I don't know. C'est ça. Fait que, nous, on va se déguiser en hôtesse de l'air pour embarquer dans le prochain vol de la Colombie-Britannique pour se cueillir nos propres grains de café. On peut pas être plus équitable que ça. On vous revient dans 3 jours, le temps d'un voyage. Hey, on est-tu niaiseuse? On s'est trompé de Colombie. J'ai dit Colombie-Britannique. On s'est ramassé à Colombie-Britannique, ça poussait pas. Il n'y a pas de café là, est-ce-tu? Ben, non, il y a autre chose qui pousse. Ben, il y avait des Tim Hortons. on s'est ramassé dans un rainbow, puis on est revenu tout de suite. C'est ça. Fait que, on est là, puis on a mentionné l'opération Mary Curtis. À Toronto. Ce qui n'est pas si loin, puis ce qui n'est pas si longtemps. Non, mais en fait, ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, en fait, c'est que, bon, c'était un parc en banlieue de Toronto, un peu à l'ouest. Uh-huh. C'est un lieu de cruising reconnu, utilisé. Et à un moment donné, il y a eu une plainte d'un résident qui a dit, bon, tout ça se passe. Fait que là, la police est arrivée avec un gros plan d'action. Ils ont arrêté près d'une centaine d'hommes. What? Ouais, ouais, non. Comme moi, vraiment... j'ai les chiffres exacts. Ah oui, ah, vas-y, go. 72 personnes arrêtées avec 89 charges. Tabarnak. Non, non, non, non, là, c'est intense, là. Tabarnak. Hey, ça devient compliqué pour un blowjob. Non, mais c'est ça, là. On peut-tu juste sucer? Ouais, puis dans le fond, mais la révolte populaire, si je peux dire ça comme ça, a été assez forte. Il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle Queers Crash the Beat, qui a vraiment milité, dans le fond, pour dire que ces arrestations-là étaient vraiment excessives. Les techniques utilisées étaient basically du profilage. Digne d'un autre siècle. Oui, non, c'est ça. Mais il y a aussi un truc de comme ça encourage juste la honte puis le stigma. Oui. Ça out potentiellement des gens à leur famille qui sont pas out. Ça peut mettre du monde en marre s'ils n'ont pas l'argent. Alors qu'on peut avoir un dialogue avec la communauté autour puis partager des espaces. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes-là font partie de la communauté autour du parc, des gens qui vivent c'est là. Oui. C'est pas... Non, mais il y a un truc. Ils n'ont pas 4 heures de char pour arriver là, là. Mais c'est ça, mais le truc, c'est qu'on se dit la communauté, c'est la juste communauté, comme les petites familles qui vivent autour. C'est comme, ben non, les hommes gays, ils vivent ils font aussi partie dans des de maisons. Cette communauté. Pour ben ça, oui. Non, c'est ça. Puis je pense qu'ils ont réussi à. Il y a des conseillers municipaux qui se sont levés puis qui ont dit comme ok genre c'était vraiment homophobe les techniques qu'ils ont utilisées puis je pense que même le policier a perdu sa job ou quelque chose du genre fait bitch que... I hope genre ouais I'm non, not crying for him non non not at all mais c'est comme genre je pensais que t'allais dire ils ont fermé le poste de police j'avais vraiment de l'espoir j'avais de l'espoir le quartier autour de Mary Curtis est une zone libre autogérée yes ils ont fait la full on révolution ouais. Qui ça serait le meilleur happy ending ouais. Keep OK. Ouais. Ça à Toronto quand même. On apprend qu'il se passe des choses à Toronto. Mm-hmm. C'est surprenant, pareil. J'aurais cru. OK, fait que sachant que des opérations comme ça arrivent encore de nos jours, mm-hmm. Ce serait quoi les précautions à prendre s'il y en a? Ben, c'est sûr que, bon, une fois qu'on se fait arrêter, c'est assez dur parce que la façon que les policiers fonctionnent maintenant, c'est qu'ils envoient le ticket par huissier chez toi. Fait que justement, encore là, dans le but. Ah, pour être sûr. Ouais, pour être sûr que tu reçois, pour être sûr que ta femme le voit, pour être sûr de hâter le monde, tout ça. Bon, fait que tu peux contester, aller en cours, c'est dur de se défendre. Bien sûr, j'ai même, à un moment donné, dans un jugement de la cour, il y avait le juge qui regardait la personne qui était arrêtée, puis il était comme « Hum, t'habites au coin de Visitation et Sainte-Catherine, ok. » Comme gros profilage. Fait que tu sais, comme... Oh my God. Linda, c'est dans le village. Visitation, Sainte-Catherine, c'est dans le village. C'est ça. Mais un peu inspiré de Queer Scratch the Beat, à Toronto, il y a un groupe à Montréal... dont je fais partie, qui s'appelle Cruise Control. Ah ouais, oui. Shameless plug. Voilà, voilà. Go, go, girl. Puis dans le fond, on est un groupe de militants qui veut soutenir les hommes qui se font arrêter. On offre des services de soutien, bon, juridique, entre guillemets. On n'est quand même pas des avocats, quoi qu'on est en contact avec un avocat qui voudrait peut-être travailler pro bono avec nous. On check si jamais il y a quelqu'un qui se fait arrêter puis qu'on se rend comme juste en cour suprême pour truc d'indépendance. Sens, on veut peut-être faire changer la loi, ben on est bien ambitieux là. Mais sinon, même ça commence. Ben ouais. Go mais big, sinon go aussi, si ça marche pas, porte-toi un podcast. Non, c'est ça. Mais on veut juste aussi comme ouvrir le discours sur ces pratiques-là, puis un peu changer justement l'aura de perversion qui est autour de ça. Ouais. Parce que je pense que faire. C'est pas une conversation facile, en tout cas. Non, c'est clair. Les straights n'ont aucune compréhension, non seulement du besoin, mais de comment ça se passe, puis pourquoi, puis qu'est-ce que tu sais. Ils n'ont pas vécu le stigma, eux autres. Non, c'est ça. Non, puis je reviens sur la comparaison qu'on faisait un peu région et grande ville. Oui. Est-ce que. Selon toi ou de ta connaissance, il y a une plus grande répression en région ou à Montréal? Je crois qu'à ou Montréal. Dans les grandes villes, Toronto, Montréal. Ouais, je crois qu'en termes de nombre, Montréal, c'est ça, les grandes villes, définitivement, il y en a plus, c'est ça. Okay. Mais de ce que j'ai vu en région, ça peut être vraiment trash. Je sais qu'il y a des caméras qui ont été installées dans sous-bois à Shawinigan. Avec une affiche grosse comme genre 8 pieds par 6 pieds qui dit genre surveillance 24 heures. Avec le numéro « Contactez la police dès maintenant si vous voyez des actes ». Tu sais, c'est comme genre... C'est une île en plein milieu de la rivière, là, à un moment donné. Non, là. C'est ça. Et puis en plus, c'est complètement spéciste parce que les animaux fourrent dans la nature. Puis il n'y a pas personne qui les écarte. Non, je la marche. J'ai tellement hâte de faire un podcast avec toi. Fallait qu'on en parle. Donc on a fait plaisir à nos spécistes d'amis. On en a dit. Je sais pas. Moi, tous mes amis sont spécistes. Toutes tes amis sont spécistes. Si on mange ça, de la viande. on parle de cruising ici, on se rappelle. on dit vague, là. Est-ce que ça existe des exemples d'endroits dans le monde où les gens peuvent cruiser librement puis que c'est soit décriminalisé, soit légalisé? 27,80. Oh, c'est chez nous, excusez-moi. C'est con. Mais techniquement, au Canada, quand on regarde ça, l'indécence publique, c'est un chef d'accusation qui est porté quand une personne avait volontairement le but de s'exposer au regard des autres. Donc, si ce qui est loin d'être le cas. Non, c'est ça, ce qui est loin d'être le cas. Pour rien qu'on se cache. Là, ben voilà, c'est ça, le petit sous-bois, là. Loin de tout, en dessous d'une traque de chemin de fer. Là. Mm-hmm. Mais oui, fait que justement, d'où le but de peut-être contester les cas pour dire, comme créer une jurisprudence pour se dire que, attends, là, ça fait longtemps que cette loi-là est utilisée de mauvaise façon. C'est bon, la loi sur les maisons de débauche vient de changer, on est content. Ah oui? Oui, oui, oui. 1er décembre 2018, ils ont enlevé. Là, je parle un peu à travers mon chapeau, j'ai pas exactement la radio poubelle. D'habitude, nos références, c'est des mimes, fait que sens-toi bien à l'aise. Ouais, ouais, je pense qu'ils ont comme enlevé toute référence aux maisons de débauche, en fait. OK. Dans les articles de loi qui parlent un peu de la sodomie, on connaît bien notre article, notre fameux article. Ah oui, oui, oui. Fait que dans le même bout. Mais sinon, c'est ça. C'est pour ça que le truc blanc, pas de fenêtre, dans la main chez nous, est parti. Mais je sais qu'en Grande-Bretagne, je lisais un article justement sur le cruising en Grande-Bretagne, puis là-bas, la loi qui dit que l'indécence, c'est quand c'est volontaire, est vraiment plus appliquée. Fait que le discours autour du cruising est en train de changer. Ooh. Sinon, un autre endroit qu'on n'a peut-être pas nommé tantôt, c'est la halte routière. Ah oui? Oui. Puis ce que j'ai entendu dire aussi, pas à Amsterdam, mais aux Pays-Bas, ouais. Le travail du sexe a une certaine légalisation, décriminalisation. Et il y avait une halte routière qui était utilisée depuis bien longtemps pour le travail du sexe. Puis à un moment donné, ils ont juste fait comme « Hey, garde, on peut-tu juste comme normaliser ça? Ça sera plus indiqué que vous pouvez aller pique-niquer là. Ça va être plus clair, ça va être safe pour les travailleurs, travailleuses du sexe. On va leur faire des cabines pour prendre des douches, puis tout, puis comme, go for it. » C'est un peu de la réduction des méfaits, en fait. Là. Oui. Rendu là, c'est juste offrir des conditions de travail décentes aux gens aussi. Oui. Mais mettons à tous les travailleurs, travailleuses du sexe, on vous le dit en passant. Totalement. Qu'on leur souhaite des bonnes conditions de travail. C'était clair. Mais tu sais, je veux dire, on pourrait réduire les méfaits en termes de cruising aussi, quand on parle du fameux viaduc qu'ils ont installé récemment une poubelle à seringue. Tu sais, parce que on est rendu là dans ce discours-là où les toxicos ont le droit d'exister, il faut juste comme réduire les désinfections entre eux et avec le public. Mais pourquoi on pourrait pas faire la même chose avec une poubelle à condom à côté. Une bin à condom où t'en offres gratuitement. C'est ça. Du lobe aussi, parce qu'à un moment donné, le petit crochet, c'est limite. Hey, de la gomme d'épinette, là, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oh my God. En tout cas, been there, done that. I can't. Il y a aussi un parc dans le sud d'Amsterdam où ça a été décriminalisé, c'est-à-dire qu'ils ont clairement indiqué que dans un endroit du parc, il y a du cruising qui se passe. Puis tu sais, c'est beaucoup sur le couvert de genre, on veut pas que les gens tombent involontairement sur une scène graphique de gay sexe. Mais je suis plus dans un truc de comme ça pourrait aussi juste être pour pas les interrompre puis laisser avoir du fun. Anyways, flip the script. Mais c'est quand même le fun que à un moment donné, il a juste fait comme bon, ben ça se passe. Fait qu'on va juste comme. À manière de nier le problème. Oui, c'est ça. Aménage autour. Mais il y a aussi c'est une raison. Pas un problème, actually. C'est mais même y a, pas il y a une raison pourquoi ça se passe et pourquoi les gens vont là. Fait que si tu coupes ça se passe là, ils vont juste aller ailleurs. Là, voilà. Ça n'arrêtera jamais. Là, non, c'est ça. Et voilà. Ça n'arrêtera jamais. Alors, sur ces belles paroles, nous autres, on s'en va en gang chez Walmart. On s'achète une Keurig. On la sort dehors. On la met dans le char. On rentre chez Walmart. On pogne une Keurig. On la met dans la caisse avec notre facture pour se la faire rembourser. Yes, essayez tout ça. Hashtag Bougon. Et on vous revient dans 30 secondes. OK, alors on est de retour toujours avec Hugues et Charlie ainsi que moi-même Jess pour vous parler de Cruising Spot. Et en conclusion de l'émission, on s'est dit, c'est quoi vos plus belles anecdotes de cruising? Toi, Hugues? Ben, je dirais, je parlais de chute tantôt, autre que Sainte-Marguerite. Je vous dirais, si vous allez explorer des territoires inconnus, Oui, c'est bien le fun d'être flambette à l'extérieur, mais une petite paire de souliers pour les roches coupantes, là, ça peut être donné. Ah oui, être équipé, on aime ça. Tu t'es blessé? Une petite coupure, j'ai mis un plaster, là, ça va. Fair enough. C'est ça dans tes plus belles anecdotes de cruiser. Quand même, moi aussi j'allais le dire, t'en as pas un autre. Mais là, au Chris, ma main, là, c'est sûr que t'as déjà eu plus qu'une coupure, une coupe de load, s'il te plaît. Là. Ben oui, ben là, mon load count est dans ma chambre, là, tu viendras voir, j'ai un petit carnet. Yeah! Mon load count, wow! Moi, je veux juste dire que j'ai des amis qui se sont rencontrés à Trac à Bercy puis qui ont eu 7 ans de relation oui. ensemble. Wow. 7 ans. On entend que 7 ans de relation, genre si tu convertis ça en année straight, je pense que l'espérance de vie humaine est même pas assez longue non. pour que ça couvre genre tout le non, tout non, non, c'est 7 ans de plus que toutes mes relations. C'est un exploit. Oui. C'est un exploit. Oh, quand même. Puis c'est ça. Moi, je trouve ça complètement attendrissant que ça a tout commencé à Trac. Vraiment. Vraiment. Mon Dieu, moi, je pense que ma plus... c'est vraiment pas ma meilleure anecdote, mais c'était l'image, ça valait 1000$. Vas-y. J'étais avec toi et Charlie. Oh, allô. On venait d'un party, probablement, comme d'habitude. Là. Puis, oh, tu t'étais pété à la gueule en bike juste avant, anyway. Ketamine and bike, la gang, jamais. Faites pas ça. C'est literally ça que c'est passé. J'étais juste en train de dissocier, puis genre, je regardais derrière, j'étais comme, puis là, j'ai juste planté. Puis là, on était à Trac, ouais. puis moi, ça mordait pas pantoute, puis ça me tentait plus pantoute. Fait que je m'en allais, puis je suis juste passé devant Charlie qui est en train de se faire sucer la graine, puis j'étais comme, Charlie, je m'en vais, toi, tout est beau, puis il m'a juste fait un thumbs up. Ben oui. Avec sa vieille face de. Hey, je veux dire. De sucer. Ben, j'avais non, un, de j'avais wasted. Un, hey, j'avais un poignet tordu, mais je veux dire, quelqu'un s'occupait de moi. Oui, c'est ça, t'avais le poignet tordu, je me rappelle. Ben oui. Parce que voilà pourquoi t'avais besoin d'un blowjob. On y allait même pas à Trac, c'est juste parce qu'il s'est tordu le poignet. Sinon, moi, à un moment donné, toujours la même track, mais nord du plateau. À un moment donné, je rentre avec un ami, puis là, on commence à, tu sais, je veux dire, il y a de l'action, les gens se rassemblent, ça commence. Puis j'entends rire au loin, puis je reconnais clairement c'est clairement un de mes amis, là. Mm-hmm. Puis je sais de qui tu parles. Puis là, après c'est une personne qui a vraiment un rire très caractéristique. C'est pas cette personne-là, okay. mais c'est un autre rire caractéristique. Merveilleux. Puis après ma première load, je vais juste comme explorer un petit peu plus loin, juste pour comme voir. Puis là, je réalise qu'il est avec 3 autres de nos amis, puis là, je me mets à crier comme une perdue. Puis là, ça s'est juste transformé en petit kiki dans les bois. Puis là, après ça, on est juste en sortie, puis après ça, on a fait nos affaires. Puis après ça, il arrive pour me dire bye, puis là, il veut me donner 2 becs. Puis je dis non, c'est vraiment pas une bonne idée de me donner 2 becs en ce moment, ma barbe est pas. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben, il y avait du assaisonné. Ouais, t'as assaisonné. Oh my God! T'as assaisonné. Je sais que tu peux pas me donner 2 packs, mais t'as bien très. Pas du sperme! Je sais, du hey. Sperme. Tellement de bébés perdus dans sa barbe-là. Femmes infertiles, vous le savez maintenant. Fait que on attend devant la porte du Tim Hortons du village que les préados Imo sortent avec leur cappuccino glacé pour leur voler des mains puis partir en courant. Puis on vous revient après ça pour vraiment conclure pour de vrai ce bel épisode. À tantôt! OK, alors, juste avant qu'on se lève, on était aujourd'hui avec Hugues Lefebvre-Moras. Et qu'est-ce que t'aurais à plugger, toi, avant qu'on se laisse? Ben, comme je disais, Cruise Control, venez nous voir, suivez-nous, Facebook, Twitter, Instagram. LinkedIn? Pas encore. OK, pas LinkedIn. Fair enough. Et c'était tout pour notre épisode de cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'était tellement plaisir, c'était bien trop le fun. Ben là, vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux à 2, le chiffre 2, FIF avec un X à place du I pour pas se faire shutdown par la police des mœurs parce qu'ils sont pas juste un cruising spot. Et le matin, tout ça en un seul mot. Hashtag 2FLM, alors on se revoit sur toutes les plateformes et à la semaine prochaine. Donnez-nous 5 étoiles, pas game. OK, bye. Ça va-tu à Trac? Ça va très bien.